succès de sa vie. Pas le choix, avoir de l'ambition et des vœux. On avance dans le même cercle vicieux. On n'est pas là en mission, même si on a cette impression. On est là, c'est tout, et on s'en va, mais on sait pas quand. Faut savourer chaque moment, c'est tout, et on s'en va, mais on sait pas quand. Non, je suis pas là pour tenter, sans thune je vais tenter de décrire ma marque de santé. Non, j'aime pas les effronter, c'est un trompé. Je suis prêt à affronter tous ceux qui jouent avec la santé. De politique qui nous explique pour tromper que ta patrie t'es grillé, t'inquiète. On est juste quelques milliers à se tuer la tête pour des billets. T'as des trucs qu'on devrait tous user, que le gouvernement est utilisé. Et le mire qu'ils ont lancé, les otages, c'est nous, la main gauche, c'est vous qui dégage. Quel dégoût, les gars, élu à des âges dépassés, alors qu'il devrait être dans une maison de retraite. Y'a pas que ça, c'est pire que tout, que des pauvres partout. C'est pas tous ceux qui sont répartis dans des cités. Les cités de la dévisée, comme nous, bronzés ou pas, y'a pas de différence. On est pareil pour eux, un avenir, je veux. Et t'avertir que si on se laisse punir par ceux qui pensent qu'à eux, mais s'ils y étaient à notre place, ils s'inquiéteraient pour nos gosses. On est trop en retard sur l'américain, même si Bush c'est un débile crétin. Parce qu'avec son armée et sa bouche, il est louche. Il a qu'une mèche allumée pour nous rayer de la carte. Faut profiter de sa vie, pas le choix, avoir de l'ambition et des vœux. On avance dans le même cercle vicieux. On n'est pas là en mission, même si on a cette impression. On est là, c'est tout, et on s'en va, mais on sait pas quand. Faut savourer chaque moment, c'est tout. Profiter de sa vie, pas le choix, avoir de l'ambition et des vœux. On avance dans le même cercle vicieux. On n'est pas là en mission, même si on a cette impression. On est là, c'est tout, et on s'en va, mais on sait pas quand. Non, je suis pas là pour vanter, sans thune, je vais tenter de dire qu'il y en a marre de ramper. Non, j'aime pas les effronter, et sans me tromper, je suis prêt à affronter tous ceux qui jouent avec la santé. Faut profiter de sa vie, pas le choix, avoir de l'ambition et des vœux. On avance dans le même cercle vicieux. On n'est pas là en mission, même si on a cette impression. We'll